الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Quelques décrets de Sheikh Abu Maryam Abdelrahman al-Mukhlif. La participation aux élections. Introduction. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la traduction du sens rapproché, quiconque met croix au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Sourate 2, verset 256. L'anse la plus solide qui ne peut se briser, c'est l'islam et le monothéisme. Celui qui ne croit pas au Tarout et ne croit pas en Allah ne s'est pas agrippé à l'islam et au monothéisme. Allah a dit, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Sourate 16, verset 36. Celui qui ne s'écarte pas du Tarout contredit le message de tous les messagers d'Allah. Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de ne pas croire. Mais Satan veut les égarer loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Ibn Kathir dit dans l'interprétation de ce verset, c'est une réprimande de la part d'Allah envers celui qui prétend avoir foi en ce qu'Allah a révélé à son messager et aux autres prophètes d'avant lui, et en même temps veut prendre un autre juge lors de ses disputes que le livre d'Allah et la sunna du messager, comme cela fut mentionné dans la cause de la révélation du verset. Il fut révélé sur une dispute entre un homme des Ansar et un juif. Le juif disait « Entre toi et moi tranchera Mohammed » et l'autre dit « Entre toi et moi tranchera Ka'b ibn Ashraf ». Il fut aussi dit qu'un groupe d'hypocrites qui faisaient semblant d'être musulmans voulurent prendre pour juges les juges païens et d'autres choses furent dites. Mais le verset est plus général que cela. Il blâme quiconque se détourne du Coran et de la Sunna et demande le jugement à d'autres choses fausses et c'est ça le Tarout dont il s'agit ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son compte appartient à Allah. » Rapporté par Muslim. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit au sujet de ce hadith « Ce hadith est l'une des plus importantes exposées de la signification de « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah ». Car il n'a pas considéré que le simple fait de prononcer cette phrase protège le sang et les biens, ni même le fait de connaître sa signification, ni même de l'approuver, ni même le fait de n'adorer qu'Allah sans lui attribuer d'associé. Tout cela ne protège la vie et les biens que s'il y est ajouté le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. S'il doute de cela ou s'en abstient, alors son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Dans Kitab al-Tawhid du chapitre 5 à la page 26. Donc qu'est-ce que le Tarout? Ibn Qayyim a dit, celui qui se réfère à autre chose que l'enseignement du messager en matière de jugement, et y cherche le jugement, il aura pris pour juge le Tarout, et aura demandé son jugement. Le Tarout est tout objet de culte, modèle, que l'on suit, ou maître, à qui on obéit, qui amène l'homme à dépasser ses limites. Le Tarout de tout peuple est ce qu'ils prennent pour juge en dehors d'Allah et de son messager, ou qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou qu'ils suivent, sans avoir de preuves venant d'Allah, ou à qui ils obéissent sans savoir si cela va dans l'obéissance d'Allah ou non. Tout ceci sont les tawarites de ce monde. Et si tu les remarques, et que tu remarques l'état des gens envers eux, tu constateras que la majorité d'entre eux se sont détournés de l'adoration d'Allah pour adorer le Tarout, ainsi que le jugement d'Allah et de son messager, pour demander le jugement du Tarout et de l'obéissance d'Allah, et le suivi de son messager, pour obéir au Tarout et le suivre. I'lam al-Muqirin à la page 50. Abdelrahman ibn Qasim a dit, tous ceux qui ne jugent pas d'après la loi d'Allah, que ce soit celui qui juge par les lois humaines, ou une invention qui ne fait pas partie de la loi islamique, ou qui juge avec tyrannie. C'est un tarout parmi les plus grands des tarouts. Sous le Talata, page 168. Ibn Kathir dit: quiconque abandonne la loi claire révélée à Mohammed, fils d'Abdullah, dernier des prophètes, et recherche le jugement dans une autre loi abrogée, est un mécréant. Alors que dire de celui qui cherche le jugement du Yassa et le fait passer avant le jugement d'Allah? Celui qui fait cela est un mécréant à l'unanimité des musulmans. Voir dans le Bidaya wa Nihaya, volume 13, page 119. La démocratie. La démocratie signifie la loi du peuple, la souveraineté du peuple. L'islam dit: la souveraineté n'appartient qu'à Allah et la loi n'est que celle d'Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Sourate 12, verset 40. Et Allah dit: il, Allah, n'associe personne à son jugement. Sourate 18, verset 26. De ce fait, la démocratie est l'un des plus grands tarouts de la terre. Toute loi contraire à celle de l'islam est un tarout. Et de ce fait, il est obligatoire de la désavouer pour être musulman. Celui qui ne la désavoue pas n'est pas musulman. Sulayman ibn Sahman a dit: si vous avez su que le fait de demander justice au tarout est de la mécréance, Allah nous a rappelé dans son livre que la mécréance était plus grave que le meurtre. Le Très-Haut dit dans le Coran: la fitna est plus grande que le meurtre. Sourate 2, verset 191. Il dit encore: la fitna est plus grave que le meurtre. Sourate 2, verset 217. La fitna dans ces versets désigne la mécréance. Si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, cela leur serait largement moins grave que s'ils venaient à désigner un tarout sur terre afin qu'ils jugent dans leur divergence avec autre que la loi de l'islam qu'Allah Ta'ala a révélée à son messager. En troisième lieu, nous disons: si demander justice au tarout est de la mécréance, tout en sachant que les divergences se font à cause des choses matérielles, alors comment peut-on concevoir le fait de rejeter la foi pour des choses matérielles? Car nul ne peut se prétendre être croyant tant qu'Allah et son messager ne soient les plus aimés et jusqu'à ce que le prophète lui soit préférable à ses enfants, ses parents et tous les gens. Si tu venais à perdre tous tes biens matériels, il ne te serait jamais permis de demander justice au tarout afin de les récupérer. Et si une personne venait à t'obliger à choisir entre demander justice au tarout ou perdre tous tes biens, tu es forcé de devoir choisir de perdre tous tes biens. Et en aucun cas, il ne te sera permis de demander justice au tarout. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Voir dans Dar al-Saniya, fil Ajwiba wa al-Najdiya, volume 10, page 509-510. Maintenant, voyons la réponse du Shir Abu Maryam al-Mukhlif. Il dit: l'unique fait de participer à la démocratie est une satisfaction de la loi du tarout. Car la démocratie n'est autre que la loi du tarout. Donc celui qui participe aux élections est satisfait de la démocratie. Et plus même, il donne son soutien à celui qui adhère au jugement du tarout. En effet, cette personne pour qui il vote est autoproclamé législateur. Et toi, tu lui donnes ton accord pour qu'il accède à cela et pour qu'il légifère lorsque tu votes pour lui. Si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants s'étaient réunis et dirent: nous allons faire des élections pour choisir un nombre de gens qui deviendront les supporteurs des idoles. Et demande à tous les habitants de la Mecque de voter. Est-ce que celui qui donne son vote est mécréant ou pas? Et si des musulmans avaient dit: je veux donner mon vote à ces souteneurs de faux dieux pour diminuer l'oppression des mécréants, est-il mécréant ou non? Serait-il excusé pour un tel prétexte? Donner son vote à un mécréant pour qu'il accède au pouvoir, c'est une manière d'accepter l'alliance avec le mécréant et en être satisfait, et ceci est avoir foi au tarout. Voter pour un mécréant n'est autre qu'être d'accord de s'allier avec le mécréant. Car lorsque tu votes pour lui, c'est pour qu'il te gouverne, afin de diminuer la peine des musulmans. Le moyen utilisé est qu'il gouverne. Et le fait d'être d'accord qu'un homme gouverne par autre que la loi d'Allah est une mécréance majeure qui expulse de la religion. Tu veux donc atteindre un objectif au moyen de la mécréance, à savoir ici l'alliance et le soutien d'un mécréant. Et le simple fait de participer aux élections est déjà en soi une mécréance. Et celui qui le fait est satisfait de pratiquer la démocratie. Or, la démocratie est un tarout qu'Allah a ordonné de désavouer. Lorsqu'on prête serment d'allégeance à un gouverneur musulman, cela montre qu'on est satisfait de lui et qu'on le considère musulman. Alors, de la même manière, voter pour un mécréant n'est autre que lui faire allégeance et d'être satisfait de lui et lui accorder le gouvernement. Et le problème n'a aucun rapport avec le fait de savoir s'il va oui ou non accéder au pouvoir lorsque tu votes pour lui ou non. Car il se peut très bien qu'il ne soit pas élu. Le réel problème, c'est que tu acceptes d'accorder à un mécréant de gouverner. Comment peux-tu accepter cela alors que tu sais qu'il est mécréant ? Quant à celui qui prétend ne pas être satisfait de celui pour qui il vote, mais fait cela pour choisir le moindre mal. Oui, il est possible que le fait de voter pour lui puisse avoir des conséquences avantageuses, mais uniquement après avoir commis de la mécréance pour y parvenir. Et c'est en acceptant le jugement d'un mécréant. Dès lors, le mal le moins pire sera ici de la mécréance. Or, il n'est pas permis de tomber dans la mécréance sans y être contraint. Donc, lorsque le moindre mal est de la mécréance, alors le pire mal n'est autre qu'une mécréance encore pire. Voir le sujet de la contrainte, hein, que beaucoup n'ont pas compris. Hein. Si vraiment il détestait que ce tarout gouverne, pourquoi vote-t-il pour lui et lui donne-t-il le gouvernement ? S'il se désavouait de lui, pourquoi lui donne-t-il son soutien par le biais du vote ? Ceci contredit complètement le désaveu du tarout. C'est même la plus grande manière de s'allier à lui. Il tombe donc dans la mécréance en pensant qu'il pourra par là réaliser certains avantages. Si dans un pays musulman, nous ne faisions pas allégeance au gouverneur, cela prouverait que nous ne croyons pas en la validité de son gouvernement et de ce gouverneur. Et si nous lui faisons allégeance, cela prouvera que nous croyons en la validité de son gouvernement. Or, voter pour un tarout n'est autre qu'avoir foi en lui et en son gouvernement. Et il ne fait aucun doute que c'est une sorte d'allégeance. Et la preuve de cela, c'est que les avantages qui découlent résultent de son allégeance. Donc, lorsqu'il prétend détester celui pour qui il vote et qu'il le désavoue, cela n'est pas pris en considération à partir du moment où il lui montre son soutien. Il n'y a aucune excuse d'erreur, d'appréciation ou d'ignorance dans cela, car cela annule totalement le fondement de la religion. S'il détestait vraiment ce tarout pour qui il vote, et s'il le désavouait vraiment, il ne se serait jamais permis de lui accorder son vote. Quant à ceux qui prétendent ne pas être satisfaits de ceux pour qui ils votent, qu'ils n'ont aucune satisfaction de cela dans leur cœur, nous ne pouvons en aucun cas le savoir. La parole et l'acte sont ce que nous prouve la satisfaction de son cœur. Et la preuve de cela est la parole « Quiconque mécroit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui est contraint, et que son cœur est serein sur la foi. Mais celui qui ouvre ouvertement son cœur à la mécréance a sur lui la colère d'Allah et un grand châtiment, car ils ont préféré la vie mondaine à l'au-delà et qu'Allah ne guide pas les gens mécréants. » Sourate 16, verset 106-107. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit au sujet de ce verset dans Majmou al-Fatawa, volume 7, page 220, « Celui qui fait de la mécréance sans y être contraint a donc ouvert son cœur à la mécréance. » Sinon, le début de ce verset serait en contradiction avec la fin. Si ce verset voulait dire que le mécréant n'est que celui qui, dans son cœur, accepte la mécréance, alors cela n'y aurait pas que le contraint qui serait excusé, mais même celui qui n'est pas contraint, tant qu'il n'accepte pas la mécréance dans son cœur. Donc lorsqu'il prononce de la mécréance volontairement, il a ouvert son cœur à la mécréance, et cela est une mécréance. Fin de citation. Et toute personne qui fait quelque chose volontairement, sans y avoir été contraint, sans y avoir été forcé, a forcément été d'accord de le faire, et l'a accepté, sauf s'il est fou ou insensé. Ce pourquoi, lorsqu'une personne donne allégeance à un gouverneur musulman n'étant pas satisfait de cela dans son cœur, eh bien nous ne pourrons pas savoir ce qu'il pense dans son cœur, et nous nous baserons sur son allégeance extérieure. Et c'est la même chose pour celui qui vote pour un tarout. Même s'il prétend qu'il le déteste dans son cœur, la satisfaction se fait par le cœur, la parole ou l'acte. Toute personne qui fait un acte ni contraint ni forcé, il a forcément été d'accord de le faire, et en est obligatoirement satisfait. Il est possible qu'il soit mécréant uniquement en apparence, tout en restant croyant dans son cœur, car la mécréance peut soit arriver par un acte, une parole, ou dans le cœur. Et celui qui fait de la mécréance de sa langue, ou de ses actes sans y être contraint, est forcément satisfait de cela, et est mécréant. On ne peut contraindre quelqu'un dans sa croyance et sa volonté. La contrainte ne peut être faite que sur la parole et l'acte. Or, celui qui vote n'y est pas contraint. On ne le contraint ni à parler, ni à agir. Mais il est au contraire d'accord de voter, et l'a fait par erreur d'appréciation, et cela ne l'excuse pas.